Psaume numéro 25. Seigneur, rends-moi justice, j'ai marché sans faillir. Je m'appuie sur le Seigneur et ne faiblirai pas. Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, je marche selon ta vérité. Je ne m'assieds pas chez l'imposteur, je n'entre pas chez l'hypocrite. L'assemblée des méchants, je la hais. Je ne m'assieds pas chez les impies. Je lave mes mains au signe d'innocence pour approcher de ton autel, Seigneur, pour dire à pleine voix l'action de grâce et rappeler toutes tes merveilles. Seigneur, j'aime la maison que tu habites, le lieu où demeure ta gloire. Ne m'inflige pas le sort des pécheurs, le destin de ceux qui versent le sang. Ils ont dans les mains la corruption. Leur droite est pleine de profit. Oui, j'ai marché sans faillir, libère-moi, prends pitié de moi. Sous mes pieds, le terrain est sûr. Dans l'assemblée, je bénirai le Seigneur.